The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. To offer. Offrir. Flower. La fleur. To leave. Partir. Bizarre. Bizarre. Strange. Étrange. Now, a bit faster. To offer. Offrir. Bizarre. Bizarre. To leave. Partir. Flower. La fleur. Strange. Étrange. Bizarre. Bizarre. Flower. La fleur. Strange. Étrange. Flower. La fleur. Now, use the words in context. La fleur. Roses are my favorite flowers. Les roses sont mes fleurs préférées. Bizarre. The door's open. That's weird. La porte est ouverte. C'est bizarre. Offrir. I offered a bouquet of flowers to my mother. J'ai offert un bouquet de fleurs à ma mère. Étrange. They're late. That's strange. Ils sont en retard. C'est étrange. Partir. I left last. Je suis parti en dernier. La fleur. Roses are my favorite flowers. Les roses sont mes fleurs préférées. Bizarre. The door's open. That's weird. La porte est ouverte. C'est bizarre. Offrir. I offered a bouquet of flowers to my mother. J'ai offert un bouquet de fleurs à ma mère. Partir. I left last. Je suis parti en dernier.